photo chico paparazzi. Merci, merci. Je crois que le message est très bien passé, parce que nous assistons maintenant à de nombreuses sollicitations auprès de pasteurs que nous connaissons, que vous connaissez vous aussi. Soyez attentifs, car l'heure a sonné et tout le monde doit reconnaître que le Seigneur est là pour nous tous. Merci.